Chapitre 3. Arthur était à la fenêtre du grand salon du club par une magnifique après-midi du mois de décembre. Là est le beau quartier de la ville. Le monument des explorateurs martyrs Burke et Wills domine le centre de la rue, et des deux côtés sont alignées les demeures des premiers médecins de Melbourne, belles maisons tranquilles, ornées de balcons en pierre et de vérandas sculptées. On voit passer à chaque instant le brougham d'un docteur ou bien la voiture d'un membre du gouvernement. Ici, une magnifique cathédrale gothique en pierre de couleur. Là, les bureaux de l'administration, construction énorme dans le voisinage d'un jardin public grand comme celui du Luxembourg à Paris. Plus loin, la chambre ou parlement construite sur le modèle d'un palais de la Renaissance. Rien n'est entièrement achevé. On a commencé ces constructions sur un plan trop grandiose. La cathédrale, la chambre, la trésorerie se sont arrêtées à moitié chemin et peu s'en faut qu'elles n'aient l'air d'être de belles ruines. Comme Arthur causait avec son ami, qui s'était aussi installé près de la fenêtre, le valet de pied vint apporter à celui-ci un billet. Sinclair l'ouvrit et, tout en le lisant, demanda au capitaine Saint-Jean s'il n'apercevait pas une voiture stationnée dans la rue. En effet, à deux portes plus loin, Arthur en vit une. Par la portière se montrait une figure de femme, dont on aurait eu de la peine à distinguer les traits sous la voilette noire qui cachait le front et les yeux. Pourtant, il y avait dans la pose de cette tête comme quelque chose d'impérieux. Arthur éprouva une espèce de secousse intérieure en la regardant attentivement. Il tourna du côté de Sinclair un visage ému. Celui-ci avait disparu et s'acheminait vers la voiture où l'attendait la dame au chapeau noir. Arthur eût été presque capable de le suivre des yeux, se sentant curieux comme une petite pensionnaire mal élevée. Mais il s'en alla résolument de l'autre côté du salon, en attendant le retour de son ami avec une impatience dont il ne pouvait se rendre compte. Sinclair se fit attendre longtemps. C'était un homme sage auquel tout le monde demandait conseil. Grand-père, du reste, car il avait des filles mariées, plus âgé qu'Arthur, d'une vingtaine d'années au moins. Il avait l'air un peu soucieux en rentrant au club, à la suite de son tête-à-tête. « Voilà, fit-il, ce que c'est que d'avoir pour voisine la plus belle et la plus opiniâtre des femmes. » La station de Madame Murray est limitrophe de la mienne, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une trentaine de lieues de distance entre nos maisons. Donc elle a recours à mon expérience à chaque instant, car elle prétend tout contrôler depuis la mort de son mari. Mais je ne me souviens pas qu'elle ait jamais suivi d'autre inspiration que la sienne. Je suis en quelque sorte le tuteur de son fils, et voilà que nous sommes en pleine guerre depuis qu'elle est venue en ville au sujet de ce malheureux. « Comment cela ? » demanda vivement Arthur. « Eh bien, c'est mon avis qu'on devrait faire entrer le gamin en pension. Nous avons d'excellents collèges à Melbourne. Pour moi, un garçon qui n'a pas été un peu taquiné par ses camarades ne vaut jamais grand-chose. Sa mère, au contraire, ne veut pas qu'il la quitte. » À présent, cet acquis lui trouvera un précepteur convenable. Passe encore si les précepteurs convenables étaient à trouver, mais ce sont ou des pédants ou des aventuriers. Trouver pour cela un gentleman, c'est une chose dont je désespère. Allons, elle n'a jamais cédé jusqu'ici. Il faut que je lui fasse entendre raison sur ce point. Plutôt ciel, dit Arthur d'un ton rêveur, que juste quelques années de plus. Comment ? S'écria son ami. Vous voudriez... « Mais non, ça ne pourrait être. On me jetterait la pierre si je m'hasardais à vous recommander. Vous êtes trop beau garçon. »« Je désire ardemment gagner ma vie, » dit Arthur sérieusement. « Je n'ai oublié ni le grec, ni le latin, ni les mathématiques. Mon ambition est d'être installé dans le bush, et je n'ai pas à vous dire que je n'entreprendrai pas légèrement une chose aussi sérieuse. »« Mon Dieu, » fit son ami en lui tendant la main, « est-ce à moi qu'il faut dire tout cela, diable ?» Si vous pouviez vous ajouter quelques rides ou perdre quelques dents, ce serait une chose faite et vous me tireriez d'un grand embarras. Voulez-vous, je vous fais une offre sérieuse, bien entendu, car il y va de mon honneur. Voulez-vous que je me munisse d'une grande paire de lunettes bleues, que je ferai vœu de porter sans jamais les ôter devant qui que ce soit? J'ai une chevelure grisonnante, une moustache de vétéran. J'entrerai dans la peau du précepteur vénérable et vous n'aurez rien à craindre, je vous le promets. « Quel âge a-t-il, votre jeune homme ?»« Dans les 12 ans, à peu près, » dit Sinclair. « Sa mère s'est mariée jeune. C'était un brave homme, le père, mais tout à fait dominé par sa femme. Il l'adorait de tout son être. Voilà ce qu'il y avait de plus drôle. Tout le monde l'adore, et C'est tout le monde qu'elle foule aux pieds. Ce fut de même avec ses parents. Ils n'avaient jamais d'autre volonté que celle de leur fille. Moi-même, je proteste, mais je finis par obéir. Il lui faut un maître, absolument. Il lui faut un maître. Est-ce qu'elle entre dans la catégorie des esprits forts ? Demanda Arthur. Aucunement. Elle est dévote comme une romaine. Et gare à vous si vous n'affectez pas le high churchism le plus avancé. C'est que la force de sa volonté est un effet de tempérament et non de pur raisonnement. C'est pour cela que j'en redoute toujours les suites. Elle a eu de la chance jusqu'ici, il faut l'avouer. Par exemple, elle a fait vendre, contre mon avis, 10 000 mérinos au commencement de la saison. Je désapprouvais le marché. Mais voilà qu'une sécheresse inattendue nous accable. C'est l'effet du hasard. Cette vente l'a garantie contre une grande perte. Je voudrais bien en avoir fait autant. À quelle heure faut-il aller la trouver ? Dit Arthur. Car j'achèterai mes lunettes à l'instant même, et je vous saurai gré, en attendant, de faire effacer mon nom de la liste des membres du club. Que je sois accepté pour cet emploi ou non, mon intention est de travailler dès aujourd'hui. Je ferai ce que vous voudrez, répliqua Sinclair. De plus, je vous remettrai tout à l'heure une lettre de recommandation, et vous irez la lui porter demain matin.